Chapitre 6 Au bord de la Vivanne. À 100 pas de la route, au bas d'une cour en pente, la Vivanne coulait, cachée à demi par les cressons et des branches mortes tombées des coudriers, qui, montant de chaque rive, la couvraient en dôme. Étroite, on pouvait la franchir d'un bond. Elle était peu profonde et s'élargissait au coude, où, pendant les orages, s'étaient amassés des cailloux qu'elle roulait. Tombant de petites cascades ainsi formées, la Vivanne bruissait doucement, et plus rapide, fuyait dans la faible clarté zébrée des rayons du soleil, passant à travers les feuilles. Les libellules voletaient en zigzag. Des guêpes et de grosses mouches noires effleuraient les myosotis poussés entre les cailloux du bord, sur lesquels de petits vers frétillaient. Des chants de fauvettes partaient des arbres, d'où les merles noirs s'envolaient avec un cri strident. Une vie intense bourdonnait dans ce coin frais, plein de verdeur. Ses eaux, grossies par les pluies, avait affaissé par place les talus dans lesquels elle était encaissée. Un arbre était ainsi tombé, barrant le cours. Sur ce banc improvisé, Jeanne et le petit Laplace étaient venus s'asseoir un matin, et c'est là que le Mercier avait surpris le mystère de leur amour. En sortant de chez Jeanne, le pauvre petit était affolé. Il ne songea même pas à rentrer avant que son père fût levé, ainsi qu'il le faisait chaque matin en passant par une fenêtre du rez-de-chaussée laissée entr'ouverte. Il avait d'ailleurs les yeux rouges et n'aurait pas voulu dire pourquoi il pleurait. Comment elle le mettait à la porte, celle qui, le prenant un jour qu'elle l'avait rencontré sur le bord de la Vivanne, et l'embrassant à pleine bouche, lui avait donné des désirs insoupçonnés? Il l'aimait tant. Ne lui avait-il pas dit, ce gamin de 15 ans, « Quand je serai en âge, nous nous marierons ». Il savait maintenant pourquoi elle avait ri. Et il revenait au bord de la Vivanne s'asseoir pour pleurer, sur l'arbre où le matin ils étaient venus s'aimer en pleine nature. « Tiens, tu es levé de grand matin, mon petit. » Il se retourna et reconnut M. Desnoux. Le notaire était sorti de chez Jeanne avec une grande joie au cœur et la face congestionnée. Il avait voulu, avant de rentrer chez lui, se remettre un peu des émotions éprouvées et était venu prendre le frais au bord de l'eau, les pieds dans la rosée. Quelle belle matinée! Il trouvait à la campagne une poésie qui, jusque-là, lui avait échappé. Jeanne l'aimait, mais comment avait-il pu un instant écouter les racontars de cette vieille bête de Millet? C'était son rival qu'il avait devant lui, ce petit gamin joufflu, aux yeux bêtes et encore gonflé par le sommeil. « Eh bien, petit, tu ne me réponds pas? Tu t'es levé trop tôt, tu as encore les yeux rouges. » Le gamin, qui ne voulait laisser voir à personne ses chagrins, lui répondit en essuyant ses yeux. « Dame, monsieur, faut venir de bonne heure pour prendre des écrevisses. Et puis le matin, les yeux me pleurent. » Le notaire rayonna. Parbleu, le jour où Millet avait vu le petit Laplace au bord de la Vivanne, il y était venu pour pêcher. « Tu viens souvent pêcher des écrevisses ?»« De temps en temps, » répondit le gamin. Desnoux avait bien envie de l'interroger sur la présence de Jeanne, le jour où le Mercier les avait vus, mais il n'osa. Tout soupçon d'ailleurs avait disparu. Jeanne était venue sans doute pour laver à cet endroit où l'eau était très claire. « Il va falloir que je fasse plaisir à ma femme, » songea-t-il. « Elle aime les écrevisses. »« Dis donc, gamin, veux-tu m'en vendre si tu en prends ?»« Ben oui, monsieur. »« Eh bien, apporte-moi 2 douzaines, hein, c'est entendu. » Et il partit, remontant le cours d'un pas gaillard. Le gamin s'assit sur l'arbre, caché par la haie. Quand Desnoux fut sur la route, « Dis donc, » cria-t-il, « je te les paierai 15 sous. » Et pour se railler lui-même des craintes qu'il avait eues, il ajouta, « Tu pourras faire un cadeau à ta bonne amie. » Le gamin, que ce mot frappa au cœur, poussa un cri et tomba en sanglotant. « Tiens, » dit Desnoux, « il en a déjà pris une, mais elle l'a pincée. »